بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Donc ce qui suit est la traduction de ce livret intitulé الطائفة الناجية المنصورة du Cheikh Ahmed Ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Al-Ta'ifa al-Najiya al-Mansoura. La faction sauvée et secourue. Le Cheikh Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, et j'attire votre attention vers le fait que nous allons passer sur les grandes lignes de ce livret. Mais que nous n'allons pas nous arrêter sur chacun de ces points. Ce ne sera donc pas une traduction mot à mot, mais nous allons essayer donc de passer sur les points essentiels et principaux de ce livret. Donc le Cheikh a dit, les louanges reviennent à Allah. Nous lui demandons de couvrir d'éloge et de saluer le messager d'Allah, ainsi que sa famille et ses compagnons. Cela étant dit, il m'a été demandé de tenir un discours exposant le dogme de la faction secourue à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne cessera de perdurer dans cette communauté une faction accomplissant ce qu'Allah a ordonné. Ni ceux qui les délaissent lâchement, ni ceux qui s'opposent à eux ne leur nuiront, et ce jusqu'à ce que ne survienne l'ordre d'Allah, alors qu'ils sont secourus face aux gens. Et cela est recueilli par Al-Bukhari et Muslim, selon un hadith de Muawiyah. Et il y a d'autres versions de ce hadith qui vont dans ce sens également. Le Cheikh de dire, et étant donné que ce qui est écrit est plus à même de perdurer et d'être profitable au gré des générations, j'ai préféré écrire cela et réunir ce qu'Allah m'aura facilité de compiler, en espérant par là qu'Allah y place le profit. Puis le Cheikh de dire en disant, la faction secourue, qui n'est autre que la faction sauvée, correspond au groupe des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité qui constitue al-jama'a, c'est-à-dire l'union sur la vérité, et ses membres sont ceux qui cheminent sur la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons cheminaient. Et seuls les adeptes du hadith qui suivent scrupuleusement les récits rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons peuvent concrètement cheminer sur cette voie. Quant à leur dogme, nous dirons que premièrement, dans la foi qu'ils apportent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont la ferme conviction qu'Allah est un et unique. Et que ces créatures sont dans un besoin impératif de lui. Il n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Et il n'a pas d'équivalent. Il est al-awwal. Avant qui il n'y a rien. Et il est al-akhir. Après qui il n'y a rien. De même qu'il est al-zahir. Au-dessus de qui il n'y a rien. Et il est al-batin. Au-delà de qui il n'y a rien. Il a créé les cieux et la terre en six jours. Suite à quoi, il s'est élevé au-dessus du trône. Concernant le savoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les membres de la faction sauvés et secourus ont la ferme conviction qu'Allah détient le savoir de ceux qui fut et de ce qui est, et qu'il a le savoir parfait relatif au mouvement et pose des serviteurs. Il sait ce qu'ils font, il sait ce qu'ils disent, et il sait ce que leur poitrine leur suggère. L'exalté a dit, surat Qaf, « Wa laqad khalaqana l'insan » ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Et nous avons certes créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus proches de lui de sa veine jugulaire. Concernant le destin, les membres de la faction secourus et sauvés ont la ferme conviction qu'Allah a écrit ce vers quoi les serviteurs se dirigent, que ce soit en matière de bonheur ou de malheur, de foi ou de mécréance, d'obéissance de désobéissance, de richesse ou de pauvreté, de force ou de faiblesse, de santé ou de maladie. Et tout serviteur se dirige vers ce qui a été écrit pour lui ou contre lui. C'est ainsi que Allah guide les croyants par sa grâce et égare les mécréants de par sa justice. Et il possède dans tout cela une sagesse grandiose. Et il a établi sur eux, tous sans exception, une preuve tranchante. Et notre Seigneur souverain n'est injuste envers personne. Et ce sont plutôt les gens qui, vis-à-vis d'eux-mêmes, sont injustes. L'exalté a dit, comme on le retrouve dans surat An-Nisa, verset numéro 40, Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Certes, Allah n'est injuste envers personne, fût-ce l'équivalent du poids d'une fourmi. Et si cela devait être une bonne action, il la multiplierait et octroierait de sa part une récompense grandiose. Concernant les noms et attributs d'Allah, les membres de la faction sauvée et secourue ont la ferme conviction qu'Allah possède des noms qui sont les noms les plus beaux et des attributs qui sont les attributs les plus sublimes et qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. De même qu'ils ont la ferme conviction qu'il est obligatoire aux serviteurs d'apporter foi en cela de la manière qui sied à la majesté d'Allah, pureté à lui. Et qu'il est obligatoire d'appréhender ses noms et attributs de la manière dont ils ont été rapportés, sans les chercher à les altérer, ni à les interpréter faussement, ni à établir de comparaison avec les créatures, ni à les annihiler, ou à les rejeter, ou à les nier, et sans chercher le comment, ni tomber dans l'anthropomorphisme. Les membres de la faction sauvés et secourus ont plutôt la ferme conviction qu'il faut appréhender le sens de chaque attribut conformément à ce que la langue arabe implique et d'une manière qui sied à la majesté d'Allah, pureté à lui. Concernant la foi, la faction secourue a pour conviction que la foi est composée de paroles, d'actes et de convictions. Des paroles prononcées avec la langue, des convictions qu'on a dans le cœur et des actes que l'on accomplit avec les membres. Cette foi est amenée à augmenter et à diminuer. Elle augmente par le biais de l'obéissance à Allah et elle diminue du fait de sa désobéissance. Quant à celui qui délaisse les œuvres, c'est un impie qui n'est pas véridique en prétendant l'islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait mention de la foi sans avoir mentionné en sa compagnie les œuvres pieuses. Quant à celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant s'étant rendu coupable d'une forme de mécréance qui exclut de la religion, du fait des nombreuses preuves qui justement appuient cela. Parmi ces preuves-là, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait dit, comme on le retrouve dans surat al-Tawbah, le verset numéro 11, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Et s'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, alors ce sont vos frères en religion. Après avoir dit cela, le cheikh Ahmed, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, a quelque peu développé à propos de la divergence entre les imams concernant la sentence réservée à celui qui délaisse la prière. Et du fait que nous cherchons à aborder de manière résumée les différents enseignements principaux de ce livret, nous nous contenterons de cette brève allusion. Et je vous renvoie donc vers le livre, à la page 36. Concernant l'attribut de la parole, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la faction sauvée, le groupe secouru, a pour conviction qu'Allah parle et que cet attribut de la parole est en soi éternellement préexistant. Mais ses manifestations se renouvellent. Elle a également pour conviction qu'Allah a parlé à Moussa alayhi salatu wa salam de l'arbre et qu'il a parlé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit dans laquelle il a été élevé aux cieux, et ce de derrière un voile. Et les preuves appuyant cela sont nombreuses. Parmi ces preuves-là, La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate Al-Kahf, le verset numéro 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Parmi les preuves également appuyant cela, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait dit, comme on le retrouve dans le verset numéro 6 de la sourate At-Tawbah, wa in ahadu min al-mushrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma abrighu ma'mana dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Et si un parmi les polythéistes te demande refuge, accorde-lui son refuge jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Puis, mène-le vers un lieu sûr. Cela du fait que ce sont des gens qui ne savent pas. Yarhamukallah. Parmi les preuves appuyant cela également, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait dit « Walamma ja'a Moussa li miqatina wa kallamahu rabbuh, qala rabbi arini anzur ilayk. » Et lorsque Moussa est venu au rendez-vous que nous lui avions fixé, et que ton Seigneur, et que son Seigneur souverain lui a parlé, il lui a dit, oh Seigneur, laisse-moi te regarder. Et ce verset, vous pouvez le trouver dans la sourate Al-A'raf, sous le numéro 143. Donc, la parole d'Allah est un attribut comptant parmi ses attributs. Et nous ne disons pas qu'Allah a créé cette parole dans l'arbre, en référence à l'arbre auquel référence a été faite précédemment, dans le récit de Moussa. Nous ne disons pas donc qu'Allah a créé cette parole dans l'arbre, comme certains groupes égarés le prétendent. De même que nous ne disons pas que c'est une expression de la parole d'Allah, comme d'autres groupes égarés le prétendent. Nous disons plutôt que c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est un attribut qui sied à sa majesté, pureté à lui. Concernant le Coran, la faction secourue a pour ferme conviction que le Coran et la parole d'Allah étaient descendus, révélés, et qu'elle est incréée. Que le Coran est incréé, et que de lui, et que d'Allah il a commencé, et que c'est vers lui qu'il va retourner. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, comme on le trouve dans Majmou' al-Fatawa, le volume 12, à la page 487, ce qui est rapporté de Ahmed et de l'ensemble des imams de la Sunna et du Hadith, c'est qu'ils disent que quiconque soutient que le Coran est créé est un mécréant. Et que quiconque soutient qu'Allah ne sera pas vu dans l'au-delà est un mécréant, et ainsi de suite. Après avoir exposé cela, le cheikh de l'islam a fait mention d'une parole de Abu Nasr al-Sijzi qui rapporte justement la position des imams de la Sunna et du Hadith auxquels il a été fait référence. Et il rapporte de eux deux positions concernant la mécréance en question. La première position consiste à soutenir que la mécréance visée, c'est une mécréance qui exclut de la religion. Et cette position-là a été adoptée par la majorité des imams de la Sunna et du Hadith. Et la deuxième position consiste à soutenir que la mécréance visée n'exclut pas de la religion. Et c'est dans ce sens-là que Al-Khattabi a dit, à propos de ceux qui ont soutenu ou qui ont adopté cette seconde position, qu'en réalité ils ont utilisé le terme mécréance afin de montrer la gravité de ce genre de paroles-là. De même, il faut savoir que donc c'est Abu Bakr al-Sijji, Abu Nasr al-Sijji qui dit cela, que nos collègues parmi les contemporains ont divergé quant à la damnation de celui dont on saturait justement de la mécréance du fait qu'il ait prononcé ce genre de parole. Vous vous rappelez de quel genre de parole on parle? On parle de quoi? Quel genre de discours? Le fait de dire que le Coran est créé ou que Allah ne sera pas vu dans l'au-delà. Donc les certains contemporains de Abu Nasr al-Sijji donc ont divergé quant à la damnation de celui dont on staturait de la mécréance à cause du discours qu'il aurait tenu. Et la majorité a soutenu que la damnation visée est éternelle. Comme cela a d'ailleurs été rapporté d'un certain nombre d'anciens parmi les ulama du hadith, tels que Abu Hatim, Abu Zur'a et d'autres. Et il y en a d'autres qui se sont abstenus de soutenir que la damnation serait éternelle. Le Cheikh Ahmed de Djir, après avoir fait mention donc de cela, quant à moi, ce qui m'apparaît, c'est que ce qui est visé ici, c'est la mécréance qui est exclue de la religion, après que la preuve ait été établie sur celui qui tient ce genre de discours. Après que la preuve ait été établie sur celui qui tient ce genre de discours. Telle est la position de vérité si Allah le veut. Car celui qui tient ce genre de discours aura démenti Allah, qui a pourtant dit وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si un parmi les polythéistes te demande refuge, alors accorde-lui refuge jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Et ce qui est visé par la parole d'Allah ici, c'est le Coran. De même, nous pouvons mettre en avant la parole d'Allah subhanahu qui a dit قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dit si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Il faut savoir également que les prédécesseurs de cette communauté, les anciens de cette communauté, parmi lesquels les compagnons et ceux qui leur ont succédé, parmi les imams bien guidés, étaient unanimes. Quand on fait de soutenir que le Coran c'est la parole d'Allah, était descendu, révélé, et qu'il est incréé, et que c'est de lui, que c'est d'Allah, qu'il a commencé, et que c'est vers lui qu'il va revenir, et qu'il l'a fait descendre, par un effet de son savoir parfait, afin que les serviteurs le prennent comme guide, et apportent foi en lui, et œuvre à la lumière de ses enseignements. L'exalté a dit, comme on le retrouve dans la sourate Al-Qamar, le verset numéro 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فهل من مدكر. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? Concernant ce que l'on appelle Al-Hakimiyya, on passe à notre sujet, le jugement. La faction secourue a pour conviction qu'il est obligatoire de renvoyer le jugement à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'exalté a dit, comme on le retrouve dans la sourate Ash-Shura, verset numéro 10, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et lorsque vous divergez dans quoi que ce soit, alors sachez que le jugement de cela est à Allah. De même qu'Allah, pureté à lui, a dit, comme on le retrouve dans la sourate An-Nisa, le verset numéro 59, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si vous divergez dans quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela est meilleur et de meilleur aboutissement. Le fait de renvoyer cela à Allah consiste à le renvoyer à son livre. Et le fait de renvoyer cela au messager consiste à le renvoyer à ce qui est authentiquement rapporté de sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, conformément aux règles des adeptes du hadith. Que cela concerne des questions dogmatiques ou autres. Et il n'est permis à personne de mettre de côté la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de se diriger vers la position d'autres que lui parmi les gens. Quel que soit l'individu en question. Comme l'a dit Malik dans ce qui a été rapporté de lui, il n'est personne parmi nous sans que l'on prenne de lui certaines choses et qu'on en délaisse d'autres, excepté l'habitant de cette tombe. Et il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lorsqu'il a prononcé cette parole grandiose, même Malik était dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Retiens bien, barakallahu fik, cette parole. Retiens bien cette parole. Assimile-la bien. Parole que l'imam Malik a dite et qui a été citée ici par le Cheikh Ahmed al-Najmi. Et fais en sorte de sans cesse la garder à l'esprit. Et faisons en sorte de ne pas nous contenter d'y adhérer de manière théorique, pour également la mettre en pratique. Car en théorie, personne parmi les musulmans ne rejette cela. Mais dans la pratique, certaines personnes même peuvent brandir ce genre de parole-là et la scander, et tous les jours peut-être elle l'a dit. Mais concrètement, dans ses agissements au quotidien, est-ce qu'elle œuvre en conformité avec cela? À quoi bon dire que chacun peut se tromper sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam si au final on ne reconnaît jamais ses erreurs, et que quand on attire ton attention vers tes erreurs, tu cherches par tous les moyens à te dérober et à trouver des interprétations tirées par les cheveux à des paroles que tu as dites et qui sont clairement fausses. Il a été dit un jour à un imam dont j'ai oublié le nom, mais il compte parmi les grands imams de cette communauté, parmi les anciens. Un jour, un fidèle lui a dit, un jour, je t'ai entendu dire telle parole. Et aujourd'hui, je t'entends dire telle autre. Et il lui a dit, du fait qu'il avait remémoré donc cette parole, la première parole qu'il avait dite, il lui avait dit, il lui a répondu, il n'y a pas de doute que c'est une erreur flagrante. Et le sujet, il est terminé. Le sujet, il est clos. Il n'y a pas de doute que c'est une erreur flagrante. Donc la personne, elle met la vérité, elle fait passer avant toute chose, avant même sa propre personne. Et lorsqu'on attire son attention vers son erreur, elle dit, effectivement, c'est une erreur. Elle aura concrétisé ce qui lui est religieusement demandé, qui doit être sa priorité, et cela aura comme répercussion et comme conséquence que les gens vont avoir confiance en lui. Car ils vont se rendre compte qu'ils ont affaire à quelqu'un qui met sa personne de côté et qui fait passer la vérité avant toute chose. Et si on a cette conviction-là, qui nous est obligatoire, qu'il n'y en a pas un parmi nous sans que l'on prenne de lui certaines paroles et que l'on en délaisse d'autres, sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors concrètement, il faut que on sache reconnaître, et bien que parfois on peut commettre des erreurs, et concrètement, quand on commet des erreurs, il ne faut pas hésiter à les reconnaître. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir et que je referme en revenant donc au propos du cheikh Ahmed, qui a dit, citons un exemple de notre quotidien que nous vivons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fut ordonné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de commencer son appel à Allah en appelant au monothéisme pur, au tawhid, au fait d'adorer exclusivement Allah. Et c'est d'ailleurs là l'objet de la prédication de tout messager. En effet, l'exemple a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de dire, adorez exclusivement Allah et écartez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Comme on le retrouve dans Surat An-Nahl, le verset numéro 36. À notre époque, le fondateur d'un groupe contemporain a établi le fait d'appeler les gens qui le suivent à chercher à faire revenir le califat perdu. Donc il a appelé au retour du califat. Et les suiveurs de cette personne-là lui ont obéi dans cela. Et ils ont laissé apparaître aux gens la religiosité et l'adoration. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à devenir des sururis. En référence donc à Mohamed Surour, le fondateur en question, dont la voix est une voix kharijite. Et ce qu'ils ont dissimulé aux gens, c'est qu'en réalité, ils cherchaient à les appeler à faire tomber l'ensemble des états actuels, l'un après l'autre. Et ce, afin que revienne le califat comme il était au préalable. Ou du moins selon leur vision qu'ils en ont. Et afin que les musulmans n'aient qu'un seul et même calife. Ces gens-là, ils ont donc désobéi aux ordres d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné qu'Allah ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné de commencer la prédication en appelant au monothéisme pur, au tawhid, au fait d'adorer exclusivement Allah. Or les gens en question ont suivi ce personnage sectaire qui leur a quant à lui ordonné d'appeler les gens au retour du califat. Allah a ordonné que la prédication soit religieuse. Quant à ce fondateur-là, sectaire, il a ordonné le fait que la prédication soit politique. Allah a ordonné que la prédication soit apparente. Or, le fondateur de ce groupe-là a ordonné que la prédication soit secrète. Allah a fait du polythéisme majeur un acte qui annule les œuvres et qui provoque la damnation éternelle à l'enfer. Quant au fondateur de ce groupe-là, il s'est contenté de combattre les actes de turpitude et il s'est tu à propos du polythéisme majeur qui pourtant fait sortir de la religion. Allah a ordonné d'obéir au gouverneur et a interdit de se soulever contre eux. Or, ce personnage sectaire a ordonné de se soulever contre les gouverneurs et de chercher à les destituer de leur pouvoir. Étalé la conséquence du fait de s'opposer aux ordres d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam et d'obéir aveuglément aux ordres du fondateur d'un groupe sectaire. Et c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Concernant justement le fait d'obéir au gouverneur, la faction secourue a pour conviction que cela est obligatoire et qu'il est strictement interdit de se soulever contre eux, de leur disputer le pouvoir ou de parler sur eux dans les assises générales en tenant des discours qui inciteraient à se rebeller ou qui tendraient à rabaisser ces dirigeants ou à minimiser de leur rang. La faction secourue a plutôt pour conviction qu'il est obligatoire de leur obéir dans tout ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah l'exalté. De même qu'il est obligatoire de prier derrière eux, et que si combat il doit y avoir, ça doit se faire en leur compagnie, et que la zakat doit leur être remise afin qu'ils la distribuent. Et les hadiths allant dans ce sens sont nombreux et connus. Parmi les hadiths en question, il y a le hadith de Ubada ibn Samit, qui est notamment recueilli dans les deux authentiques. Ubada ibn Samit a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et nous lui avons prêté allégeance concernant l'écoute et l'obéissance, que ce soit en situation difficile ou facile, que nous soyons motivés ou pas, et même si le droit d'autrui devait passer devant le nôtre. De même que nous lui avons prêté allégeance quant au fait de ne pas disputer le pouvoir à ceux qui le détiennent. Sauf si vous voyez une mécréance flagrante à propos de laquelle vous disposez d'un argument clair venant d'Allah. Et nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ce point-là. Et de mettre en évidence justement à la lumière de ce hadith mentionné par le Cheikh Ahmed Najmi que un certain nombre de conditions doivent être réunies pour rendre légitime le fait de se soulever contre un gouverneur. Rien que dans cette parole-là, le prophète alayhi salatu wassalam, sauf si vous voyez une mécréance flagrante à propos de laquelle vous disposez d'un argument clair venant d'Allah, il y a trois conditions. Premièrement, le fait de voir que la vision soit effective et avérée. Deuxièmement, le fait que la chose qui est vue, c'est une mécréance flagrante. Une mécréance flagrante. Dans le sens où il n'y a pas deux qui peuvent diverger sur cela. Dans le sens où il y en a un qui te dit c'est une mécréance, ça ne s'en est pas. C'est quelque chose donc de flagrant, qui n'est pas perpétré comme ça, en secret. Quelqu'un a dit ouais, je l'ai vu faire ça. L'autre dit non, en fait, il n'a pas fait ça. Quelque chose de flagrant qui ne souffre d'aucune discussion. Et troisièmement, à propos de laquelle vous disposez d'un argument clair venant d'Allah. Et cet argument clair, na'am, il correspond à ce qui ne souffre d'aucune divergence quant au fait que cet acte qui concrètement a été vu de manière indiscutable est une mécréance. Ajoute à cela comme conditions qui doivent être présentes afin de rendre légitime le fait de se soulever contre un gouverneur, la capacité. Et ce, à l'unanimité des ulama de la communauté. Et c'est là une grande règle qui est connue parmi les règles de la religion. Et également, et c'est là la cinquième condition, le fait que cela n'engendre pas un mal équivalent ou pire. Et une question se pose après avoir exposé ces différentes conditions, notamment les deux dernières. Est-ce que le fait de statuer du fait que ces conditions sont réunies revient à tout un chacun, un tel Bac, il a vu tel gouverneur faire ça, il retourne voir les conditions parce qu'il ne les avait pas mémorisées, et il dit, bon, la première, oui, apparemment, je l'ai vu, la deuxième, la troisième, bon, il y a la capacité, il n'y a pas la capacité, bon, il y a mal, et après, allez, non. Cela revient à qui? Cela revient, barakallahu fikum, aux ulama de la sunna. Cela revient aux ulama de la sunna. C'est pas à tout un chacun de venir statuer de cela. Naam. Donc tu te rends compte que ces conditions-là, naam, doivent impérativement être réunies et que pour statuer du fait qu'elles soient réunies, il faut que ça passe par les ulama de la sunna. Cette parenthèse terminée, retournons donc au propos du Cheikh Ahmed, qui a dit parmi ces textes également, il y a le hadith d'Ibn Abbas, qu'on le retrouve dans les deux authentiques. Quand on dit les deux authentiques, ce sont ceux d'El Bukhari et de Muslim. Qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque voit de son émir une chose qu'il réprouve, qu'il patiente face à cette chose-là, qu'il endure face à cette chose-là. car celui qui se dissocie du groupe des musulmans unis sur la vérité, ne serait-ce que de l'espace d'un enfant, puis meurt, est certes mort d'une mort de l'époque anti-islamique. Et dans une variante, dans une version de ce hadith, Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en utilisant donc ici l'image suivante, il a dit, aura certes ôté le collier de l'islam de son cou. Et parmi les hadiths en question également, il y a le hadith d'Ibn Omar, qui a dit, quiconque ôte sa main de l'obéissance rencontrera Allah le jour de la résurrection sans argument. Et quiconque meurt sans avoir de pacte d'allégeance à son cou mourra d'une mort identique à celle de la période anti-islamique. Et parmi les hadiths allant dans ce sens, il y a également un hadith rapporté par Abu Huraira, recueilli par Muslim, ainsi qu'un hadith rapporté par Abu Dharr et un autre rapporté par Auf ibn Malik al-Ashja'i, ainsi qu'un autre rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, un autre par Salama, un autre par Abu Sa'id al-Khudri et un autre par Arfaja al-Ashja'i, qu'Allah leur accorde à tous son agrément. Et tous ces hadiths-là interdisent le fait de se soulever contre les gouverneurs et de leur disputer le pouvoir, et ordonnent l'écoute et l'obéissance. Et toute personne qui viendrait s'opposer à cela, s'opposer à ces hadiths, et minimiser de l'importance des ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam, serait un partisan du faux, outrancier et injuste. Concernant les khawarij, les kharijites, la faction secourue a pour conviction qu'ils constituent un groupe égaré, semant la corruption sur terre, de même qu'ils ont la conviction qu'il est obligatoire aux dirigeants de les punir sévèrement et de les tuer où qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Il a en effet été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la fin des temps, des gens jeunes et faibles d'esprit vont apparaître. Ils parlent en prononçant les paroles de la meilleure créature. Et ils sortent de l'islam comme la flèche sort du gibier. Leur foi ne dépasse pas leur gorge. Où que vous les rencontriez, tuez-les. Et il y a dans le fait de les tuer une récompense pour quiconque les aura tués le jour de la résurrection. Bien sûr, et comme l'a habilement soulevé Cheikh Ahmed Najmi, cela est adressé aux dirigeants. Ce n'est pas à tout un chacun de venir faire cela. Cela relève de la décision d'un dirigeant, d'un gouverneur. Et cet ordre-là est adressé à eux. Et il n'appartient pas à tout un chacun de venir mettre en application ce genre de sentence. Et c'est un point très important sur lequel il faut insister. Le Cheikh Ahmed Dajir est dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, qui est d'ailleurs un long hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, après cet homme, en parlant de Dhul-Khuwaysira, des gens vont apparaître récitant le livre d'Allah abondamment, sans qu'ils ne dépassent leur gorge. Ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier. Abu Saïd de dire, et je pense qu'il a également dit, si jamais je vis à leur époque, je les exterminerai comme Thamoud fut exterminé. Et dans une version, comme Ad fut exterminé. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont les pires des créatures. Et dans une autre version, il a dit, que la meilleure annonce soit faite à quiconque les tuera ou sera tué par eux. Et dans une version, il a dit, ils sont les pires dépouilles sous la voûte céleste. Et tous ces qualificatifs-là, toutes ces descriptions-là, sont inhérentes aux kharijites qui se soulèvent contre les gouverneurs. Et sont applicables sur ceux qui sont apparus à notre époque et qui sont appelés, selon la terminologie contemporaine, les terroristes. Et ils méritent cette appellation et ce qualificatif. Car ils usent de tromperies et de faux semblants afin d'arriver à leur fin. À titre d'exemple, ils disent, nous avons sur nos coups un serment d'allégeance vis-à-vis du gouverneur. Mais en réalité, ce ne sont là que des faux semblants. Car ils disent cela de manière apparente, mais ils visent dans leur cœur le pacte d'allégeance qu'ils comptent vouer aux dirigeants qu'ils attendent et qui, selon eux, est censé sortir de leur groupe. Comme d'ailleurs l'a soutenu le fondateur de leur groupe mère, c'est-à-dire le groupe mère, le groupe qui réunit l'ensemble de ces groupes-là. Les contemporains en question diffèrent quelque peu des kharijites anciens, étant donné que les contemporains n'hésitent pas à user d'hypocrisie et de faux semblants. C'est ainsi qu'ils ont pris de chaque hérésie ce qui en est le pire. Ils ont pris des kharijites anciens, le fait de se soulever contre les gouverneurs et de considérer licite le sang des musulmans ainsi que leurs biens, du fait qu'au préalable ils statuent de leur mécréance. Et ils ont pris des chiites, ce qu'on appelle al-taqiyya, savoir l'hypocrisie, qui consiste à laisser apparaître une conviction tout en cachant une autre. Yarhamukallah. Et ainsi de suite. Concernant justement al-takfir, al-takfir c'est l'anathématisation, le fait de statuer de la mécréance un croyant. Il faut savoir que le groupe secouru a pour conviction, yarhamukallah, qu'il n'est permis à personne de statuer de la mécréance d'un musulman sauf s'il a commis ce qui provoque réellement cette mécréance-là, comme le fait de tomber dans le polythéisme majeur, ou de mécroire en un des six piliers de la foi, comme le fait de rejeter le jour de la résurrection, l'existence des gens, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont établies dans le livre et la sunna. Et comme c'est le cas également, du fait de perpétrer un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal a fait mention du lien résidant entre les croyants qui sont amenés à s'entretuer. Et ce lien-là, c'est le lien de la foi. Allah l'exalté a dit, comme le trouve dans sourate Al-Hujurat, le verset numéro 9, « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا » Et si deux groupes de croyants s'entretuent, alors cherchez à concilier entre eux. De même qu'il a dit, « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ » Comme le trouve sourate Al-Baqara, le verset numéro 178. Mais celui à qui son frère aura fait grâce de quelque façon doit faire suite de manière convenable et payer des dommages de manière bienfaisante. Donc à partir de là, à partir de ces deux versets, on comprend que celui qui commet des actes de désobéissance ne sort pas de l'islam. Que ces actes de désobéissance soient grands ou petits. Sauf s'il considère licite, excusez-moi, s'il considère licite ce qui, à l'unanimité des musulmans, est illicite, tel que l'usure, al-riba, la fornication, ou le fait de consommer des boissons enivrantes. Dans le sens où la personne, on viendrait à considérer dans son cœur cela licite. Par contre, le seul fait d'accomplir cela ne fait pas tomber dans la mécréance. Et il en est de même concernant le fait de considérer interdit illicite ce qui est licite à l'unanimité des musulmans. Cela fait également sortir de l'islam. Mais le seul fait donc de commettre un péché, même s'il est grand, ne fait pas sortir de l'islam. Concernant les répercussions mauvaises faisant suite à l'anathématisation des musulmans, la faction secourue a pour conviction que l'anathématisation des musulmans mène à des choses mauvaises et nuisibles pour les musulmans, telles que le fait de considérer illicite leur sang, leurs biens et leurs honneurs. Ils ont également la ferme conviction que quiconque adhère à ce genre de discours-là cherche en réalité à mener les sociétés islamiques vers des situations de désordre et de chaos dans lesquelles les gens ne trouvent pas le repos ni l'apaisement et dans lesquelles ils ne peuvent pas adorer leur Seigneur souverain de manière simple et facilitée. C'est pour cela qu'il est obligatoire que les musulmans soient sur leur garde quant à cette idéologie-là, celle du takfir, de l'anathématisation. De même qu'il est obligatoire qu'ils s'en écartent autant qu'ils le peuvent et qu'ils sachent que ceux qui les appellent à cela les appellent vers une idéologie qui leur est nuisible dans ce bas monde et dans l'au-delà. Concernant la mise à l'écart des partisans de l'hérésie, l'innovation religieuse, la faction secourue a pour conviction qu'il est obligatoire de mettre à l'écart ces gens-là et de s'éloigner d'eux et de s'en écarter autant que possible, qu'ils soient des kharijites ou des chiites ou des jahmites ou des mu'tazilites ou des soufites ou des ikhwan ou des sururi ou des qutbi ou des tablir, ou qu'ils soient partisans d'une partie de tahrir, ou qu'ils fassent partie de tous ces différents partis égarés contemporains. De même que la faction secourue a pour conviction qu'il est obligatoire aux musulmans de s'écarter de ces différents partis et de leurs partisans par crainte d'être touchés par leur idéologie trompeuse qui toucherait à leur religion et nuirait à leur société. Et nous demandons à Allah de nous préserver de tous ces partis sectaires et de leurs partisans et de nous préserver de leurs ruses et de leurs mots. Concernant les proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le groupe secouru a pour conviction qu'il est obligatoire de reconnaître les mérites des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des membres de sa famille, de même qu'il est obligatoire de les aimer pour Allah, puis du fait de la proximité qu'il y a entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'exempté a dit, comme on le retrouve dans le verset numéro 23 de sourate Ash-Shura, قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Dit, je ne vous demande aucune récompense si ce n'est la compassion est égard au lien de parenté. Cela signifie, si ce n'est le fait que vous aimiez mes proches et que vous les aimiez pour moi. Et c'est donc pour cela que nous est obligatoire de les aimer sans pour autant exagérer les concernant et sans pour autant avoir pour conviction qu'ils sont à l'abri de l'erreur et qu'ils sont infaillibles. Nous les aimons sans exagérer les concernant et sans pour autant considérer qu'ils sont infaillibles. Concernant les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la faction secourue a pour conviction qu'il est obligatoire que nous aimions les épouses du messager sallallahu alayhi wa sallam et que nous reconnaissions leurs droits et que nous ayons la conviction qu'elles sont pieuses, pures et purifiées et que nous détestions et maudissions ceux qui les accusent d'avoir commis des actes de turpitude alors qu'Allah les en a innocentés. Et nous avons même la conviction que quiconque soutient cela a mécru. Étant donné que l'exalté a dit, en exposant l'innocence de Aïcha radiallahu anha et à propos de l'ensemble des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ. Comme on le retrouve dans le verset numéro 26 de la sourate An-Nur. Les pieuses reviennent aux pieux, et les pieux aux pieuses. Ceux-là sont innocentés de ce que ces gens-là prétendent. Et cela concerne donc l'innocence de Aïcha radiallahu anha et constitue également un exposé de l'innocence de l'ensemble des épouses du prophète radiallahu anhunna wa ardahunna. Et la meilleure d'entre elles est Khadija, suivie de Aïcha, qu'Allah leur accorde à toutes son agrément. Concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la faction secourue a pour conviction qu'il est obligatoire à tout musulman d'accorder aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam leurs droits et de reconnaître leurs mérites. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de Uhud en or, cela n'atteindrait pas l'équivalent du Mud de l'un d'entre eux, ni même sa moitié. Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de Uhud, le mot Uhud, alors cela n'atteindrait pas l'équivalent du Mud de l'un d'entre eux, c'est-à-dire des compagnons, ni même la moitié. Et c'est un hadith qui est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. Les membres de la faction secourue ont également pour conviction qu'il est obligatoire de s'abstenir de se prononcer à propos de ce sur quoi ils se sont disputés. De même qu'il est interdit de patauger dans des discussions concernant cela. Et ils ont également la conviction que les meilleurs de cette communauté après son prophète sont Abu Bakr, grand véridique, suivi de Omar ibn al-Khattab, suivi de Uthman ibn Affan, suivi de Ali ibn Abi Talib, suivi du restant des 10 qui sont promis au paradis, qui sont suivis de ceux qui ont prêté allégeance à Al-Aqaba, qui sont suivis des premiers émigrés et ont participé à la bataille de Badr, qui sont suivis de ceux qui ont pris part au serment d'allégeance des Ridwan, suivis de ceux qui ont embrassé l'islam, ont émigré et ont combattu avant la conquête, suivis de ceux qui ont embrassé l'islam et ont combattu après la conquête, suivi des plus jeunes parmi les compagnons, qu'Allah leur accorde à tous son agrément. Concernant la prééminence des trois premières générations de cette communauté, la faction secourue a pour conviction que les trois premières générations de cette communauté prévalent sur les générations qui leur ont succédé dans cette communauté, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux de la génération qui suit, puis ceux de la génération qui suit, et après eux des gens apparaîtront. Le témoignage de l'un d'entre eux précédera son serment, et le serment de l'un d'entre eux précédera son témoignage. Et il est obligatoire à tout musulman de revenir à la compréhension des compagnons qu'Allah les agrée, la compréhension qu'ils avaient des textes religieux, puis à la compréhension des ulama parmi les disciples des compagnons, qui justement ont acquis leur savoir en héritant des compagnons. Cette seconde génération qui est suivie de leurs disciples. C'est pour cela qu'il faut également, ou après donc s'en être référé à la compréhension des compagnons, puis à la compréhension des ulama parmi leurs disciples, il faut s'en référer à la compréhension des ulama parmi les disciples des disciples, c'est-à-dire les ulama de la troisième génération. Puis à la compréhension des adeptes du hadith à toute époque, car ils sont les références visées par Allah l'exalté dans sa parole. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. On le retrouve dans le verset 115 de la sourate An-Nisa. Et quiconque fait scission avec le message après que la bonne direction lui soit clairement apparue et suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons dans la direction vers laquelle il s'est dirigé et ferons de la GN de son refuge, et quelle mauvaise destination. Donc toute explication du Coran ou toute explication de la Sunna qui ne serait pas rapportée des compagnons et qui ne serait pas rapportée des adeptes du hadith qui leur ont succédé est forcément fausse. Et il n'est en aucun cas permis de la prendre en considération ni de l'adopter comme discours. Et lorsque l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été questionné à propos de la faction secourue, il a dit: si ce ne sont pas les adeptes du hadith, alors je ne sais pas qui ils sont. Concernant les délices de la tombe et le châtiment, il réside. La faction secourue a pour conviction, ou apporte foi, au châtiment de la tombe et à ses délices, comme cela a d'ailleurs été rapporté dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Bien qu'il est impératif de signaler que ce hadith, sous cette formulation, contient une certaine faiblesse. Et il est référencé dans le recueil de At-Tirmidhi, selon une chaîne de transmission contenant Atiya al-Awfi, qui est un rapporteur faible. Et il est notamment référencé dans Majma' al-Zawa'id, dans lequel il est attribué à Tabarani dans Al-Awsat. Al-Tabarani a dit que sa chaîne de transmission contient Muhammad ibn Ayyub ibn Suwaid, qui est faible. Le Cheikh Ahmed Dajir, cependant, ce hadith, ou le sens de ce hadith, est soutenu par de nombreux hadiths qui sont authentiques. Après quoi il a fait mention du hadith dans son intégralité, dans la formulation en question, c'est-à-dire celle qui contient une certaine faiblesse, et je vous renvoie au livre à partir du bas de la page 57 jusqu'à la page 59 afin de prendre connaissance de cela. Bien que certaines parties de ce hadith soit authentique, notamment le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit: rappelez-vous abondamment de la destructrice des plaisirs, à savoir la mort. Après avoir fait mention de ce hadith et avoir quelque peu commenté sa faiblesse, le Cheikh Ahmed al-Najmi a fait mention d'une parole de l'imam Abu Ja'far Ahmed ibn Muhammad al-Tahawi dans son livre Al-Aqida al-Tahawiyya. En effet, al-Tahawi a dit que de nombreux hadiths ont été rapportés de manière abondante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tellement abondante que son authenticité ne souffre d'aucune discussion concernant le fait qu'il est établi, concernant le fait qu'il est établi que la tombe contient châtiment et délices. Selon ce que son habitant mérite. De même qu'elle contient les questions qui sont posées par les deux anges. Et il est obligatoire d'avoir la conviction de cela et d'y apporter foi. Et il est interdit de chercher à se prononcer à propos du comment, étant donné que la raison ne peut pas cerner le comment de cette chose-là. Étant donné que dans cette demeure, dans ce bas monde, nous n'avons pas connaissance de cela. Et il faut savoir que la religion ne se présente pas avec des choses que la raison considère impossibles, mais elle peut se présenter avec des choses qui déroutent la raison. Concernant la résurrection, la faction secourue a pour conviction qu'Allah va ressusciter les habitants des tombes et va les réunir pour le jour de la résurrection. De même qu'elle a la conviction que le soleil va se rapprocher d'eux et qu'ils vont être submergés par leur sueur. Et c'est alors que les croyants vont rechercher l'intercession. Ils vont donc se présenter à Ad, puis aux messagers dotés de résolution. Et chacun d'entre eux va refuser d'intercéder jusqu'à ce que l'intercession arrive au noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dise « C'est à moi qu'elle revient ». Et c'est alors qu'il va intercéder afin que le jugement commence. Et cela donc correspond à ce qui est appelé al-maqam al-mahmoud, la posture digne de louange. Qu'Allah a promise à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda, comme on le trouve dans la sourate al-Isra, le verset numéro 79, afin que ton Seigneur souverain te ressuscite dans une posture digne de louange. Et il est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va demander la permission à son Seigneur souverain Azza wa Jal et que ce dernier va lui accorder. Et lorsqu'il va voir son Seigneur souverain, il va se prosterner, et cette prosternation va être aussi longue qu'un jour de vendredi. Puis il va lui être dit, « Ô Mohammed, relève ta tête, dis et tu seras entendu, intercède et ton intercession te sera accordée. » Et l'intercession te sera accordée. Il va alors dire, ô Seigneur, les membres de ma communauté, les membres de ma communauté. Et c'est alors qu'Allah va ordonner que le jugement commence. Et la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera la première communauté à être jugée. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes les derniers, mais également les devanciers, le jour de la résurrection. Concernant les différentes affres du jour de la résurrection, la faction secourue a pour conviction et a porte foi en tout ce que le jour de la résurrection contient, comme stationnement, comme jugement, comme déploiement des registres contenant les œuvres, comme pesée. Également, ils apportent foi en l'existence du pont qui est dressé sur la Géhenne, de même qu'ils apportent foi au paradis et à l'enfer, et à tout ce qui va survenir ce jour-là. Concernant le paradis et l'enfer, les membres de la faction secourue apportent foi au paradis et à l'enfer, et ont la ferme conviction qu'ils sont tous deux créés et existent actuellement, et qu'ils ont été créés avant même que ne soient créés les cieux et la terre, et qu'ils ne sont pas menés à disparaître. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme on le retrouve dans la sourate Hud, les versets 106 à 108, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. La traduction approchée du sens de sa parole, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Non. Excusez-moi. Ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils ont soupir et sanglots, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, afin que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. De même qu'Allah, l'exalté a dit à propos du paradis, comme on le trouve dans Surat Al-Ra'd, verset numéro 35. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux, sur lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont disponibles en permanence, ainsi que son ombrage. Voilà la fin heureuse des pieux, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Allah Jalla wa Ala a dit à propos du paradis, à propos de l'enfer, comme on le retrouve dans le verset numéro 77 de la sourate Az-Zukhruf, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Et ils interpelleront en disant, ô Malik, que ton Seigneur souverain nous achève donc. Et il leur répondra, vous êtes plutôt voués à y rester. Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Concernant le fait de voir Allah dans l'au-delà, la faction secourue a pour conviction qu'Allah sera vu dans l'au-delà, que les croyants vont le voir durant les différentes stations jonchant le jour de la résurrection, de même qu'ils le verront dans le paradis lorsqu'il ôtera le voile de sa face et qu'il leur donnera la capacité de le regarder afin d'ajouter aux différents bienfaits qu'il leur aura accordés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme on le trouve dans le verset 26 de la sourate Yunus, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ, pour ceux qui auront été bienfaisants, à ceux qui auront été bienfaisants reviendra la meilleure récompense ainsi qu'un ajout. L'imam Ibn Kathir a dit dans son exégèse que l'ajout en question inclut la multiplication de la récompense des œuvres, étant donné que chaque bonne action correspond à 10 fois son équivalent, voire même jusqu'à 700 fois. Voire plus encore. Et l'ajout en question vise également ou inclut également ce qu'Allah va attribuer aux habitants du paradis, dans les jardins du paradis, comme palais et comme houri et comme agrément. De même que cela inclut la réjouissance de leurs yeux qui leur sera attribuée dans ce paradis. Et encore mieux encore, et plus sublime que tout cela, le fait de pouvoir regarder sa noble face. Et cela est sans aucun doute une augmentation plus grande encore et plus grandiose que tout ce qui leur a été attribué auparavant. Et cela, ils ne le méritent pas du fait de leurs actions, mais plutôt de par les faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, de par ses grâces et de par sa miséricorde. Et il a été rapporté également comme explication de l'ajout en question que cela vise le fait de regarder sa noble face. Cela a été rapporté de Abu Bakr al-Siddiq, de Hudhayfa ibn al-Yaman, de Abdullah ibn Abbas, Saïd ibn Musayyab, de Abdurrahman ibn Abi Layla, de Abdurrahman ibn Sarid, de Mujahid, de Ikrimah, de Amir ibn Sa'd, de Ata, de Abdahak, de Al-Hassan, de Qatada, de Suddi, de Muhammad ibn Ishaq et d'autres parmi les prédécesseurs et ceux qui leur ont succédé. Enfin, voilà donc ce que nous avons pu compiler concernant le dogme des adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité. Et nous demandons à Allah de faire que cela soit sincèrement voué à sa face et conforme à ce qui a été authentiquement rapporté de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Allah qui prodigue, et c'est Allah qui prodigue la réussite. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Et c'est donc ainsi que se termine cette tentative de traduction. Allahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.